الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المولى عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. Nous avons créé l'homme, nous savons les mauvaises pensées que lui souffle son âme, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une fois une femme en train de chercher son enfant. Et quand elle l'a trouvé, elle a serré contre sa poitrine. Il a dit alors: voyez-vous la clémence de cette femme envers son enfant? Alors sachez que Dieu est plus clément envers l'individu que cette femme avec son enfant. C'est pour cela que Dieu nous a donné la prescription qu'il a donnée dans le Coran et la Sunna. Ces prescriptions-là sont pour notre bien. Ce ne sont pas des prescriptions comme certains croient qui nous obligent à faire telle chose et à ne pas faire telle autre chose. C'est-à-dire ils disent: moi je suis libre, et la plus grande valeur de l'individu c'est sa liberté. Donc, moi je ne veux que personne ne m'oblige. Non. Si tu veux le bien pour toi-même, alors sache que Dieu veut le bien pour toi, mieux que ce que tu crois, mieux que ce que tu veux pour toi-même. Et c'est pour ça qu'il nous a prescrit de ne pas dévier, de ne pas nous séparer du Coran et de la Sunna. Et c'est ainsi qu'il a ordonné aux musulmans, à chaque fois qu'ils divergent au sujet d'une question, de revenir au Coran et à la Sunna. Et c'est pour ça qu'il a dit: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa uli al-amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Ô vous qui avez cru, obéissez à Dieu, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le pouvoir. Et si vous divergez à propos d'une question, ramenez-la à Dieu et à son messager, si vous croyez réellement à Dieu et au jour dernier. Cela est bien mieux et d'interprétation meilleure. Et c'est aussi pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Taraktu fikum shay'ain lam tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati. Wa fi riwaya: Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lam tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati. Ce hadith est rapporté par Al-Hakim et authentique. Il veut dire: je vous ai laissé des choses auxquelles, si vous vous y cramponnez, vous ne désirez point. Et c'est pour cela que Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah, comme a rapporté Abu Daoud, bis-sanad as-sahih, il a dit: Alayka biluzumi as-sunnah, fa inna as-sunnata innama sannaha man qad arafa ma fi khilafiha min al-khata' wal-zalal wal-humq wat-ta'ammuq. La route de la Sunna a été tracée par celui, c'est-à-dire Dieu, qui sait ce que comporte la déviation de cette route comme erreur, péril, folie et égarement. Ces deux points auxquels nous avons discuté jusqu'à présent, généralement les musulmans ne divergent pas autour de cette question, c'est-à-dire ils sont tous d'accord pour dire que celui qui est sur la bonne voie, c'est celui qui suit le kitab et la sunna. Et tout le monde connaît le hadith rapporté par Tirmidhi et plusieurs autres rapporteurs de hadith qui a dit: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقال الصحابة: وَمَا هِيَ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. C'est-à-dire que celui qui examine bien l'histoire de l'islam constate que les musulmans se sont séparés en des sectes innombrables. Et ces sectes-là, très souvent, si on regarde leur histoire, leur origine, ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui sont rentrés dans l'islam pour détruire seulement cet islam. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Ils veulent détruire, ils veulent éteindre la lumière de Dieu, mais Dieu préserve sa lumière malgré les mécréants. Comme exemple, nous pouvons citer Abdullah ibn Saba, le juif, qui a prétendu devenir musulman et qui a essayé de détruire l'islam au début de son ère, mais Dieu était là et restera là pour préserver cette religion extraordinaire. Nous revenons à notre sujet. J'ai dit que l'islam, les musulmans, se diviseront en 73 sectes, comme le hadith que tout le monde connaît. Toute secte prétend être sur la bonne voie. Et aucune d'elles ne prétend que nous ne suivons pas le kitab de la sunna. Comment alors trouver la faction qui était la faction d'origine, qui était la communauté des sahaba, la communauté des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'en apparaissent les 72 sectes. Et une remarque, entre parenthèses, c'est que certains n'aiment pas entendre ce mot la secte. Ils disent que ça c'est une façon d'encourager la division, de parler de la division. Et nous leur répondons que ce terme-là, al-firq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a utilisé. Pourquoi ne l'utiliserions-nous pas? C'est-à-dire que nous avons un mal, c'est la division. Un mal qui a atteint la nation musulmane. Est-ce que il est intelligent d'ignorer ce mal pour qu'il disparaisse, ou bien de bien l'étudier comme c'est bien connu dans la médecine, si on veut traiter une maladie, si on veut la combattre, on l'étudie bien, on étudie le virus. Pourquoi ? Par clémence envers le malade. C'est pour ça que nous, quand on parle de ce terme-là, on parle des sectes. Ce n'est pas pour diviser la nation. La nation est divisée en elle-même. Elle a été divisée, comme j'ai dit, par ceux qui sont rentrés dans l'islam. Donc, le fait de parler de secte, nous, on veut seulement reconnaître la bonne communauté, la communauté originelle, pour essayer d'éviter toutes les choses nouvelles qui ont été ramenées par les autres sectes. Donc, j'ai dit, toutes les sectes prétendent suivre le kitab et la sunna. Quel est donc l'élément qui nous permet de distinguer la faction rescapée, comme l'a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le firqat al-najiyah, al-ta'ifat al-mansura? Comment la reconnaître parmi toutes ces sectes innombrables? En vérité, celui qui examine bien le Coran et la sunna voit que le prophète, que Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous ont pas laissé comme ça, sans éléments par lesquels on peut distinguer cette secte. Et c'est pour cela que tous les savants, en toute époque, demandaient aux gens de revenir à la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous pouvons citer la parole d'Ibn Abbas. Cette parole-là est rapportée par Tabarani ou l'imam Ahmed et autres rapporteurs de hadith. Cette parole est authentique, c'est-à-dire l'isnad sahih. Ibn Abbas a dit: نزل الوحي وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعلم بتأويله. C'est-à-dire, le Coran et la Sunna ont été révélés. Et quand j'ai traduit le wahy par le Coran et la Sunna, pourquoi? Parce que la Sunna a été révélé. Et c'est pour ça que le mot Azza wa Jal, Dieu dit, وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ما نزل إليهم c'est-à-dire le Coran وأنزلنا عليك الذكر c'est-à-dire la Sunna comme certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont expliqué. De plus, Hassan ibn Atiyya et Yahya ibn Abi Kathir, qui sont des successeurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont dit كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن c'est-à-dire l'ange Jibril révélé la Sunna au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il révélait le Coran. Donc ça c'est pour expliquer pourquoi j'ai traduit le Wahy pour le Coran et la Sunna. Alors Ibn Abbas a dit le Coran et la Sunna ont été révélés et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissent mieux leur sens, leur explication que quiconque. Cette parole-là, il l'a prononcée lorsque il est allé pour essayer de faire revenir les Kharijites qui sont sortis du droit chemin. Et les Kharijites sont la première secte qui est apparue dans l'histoire de l'islam. Il a essayé de remettre les Kharijites dans le droit chemin. Et c'est pour ça qu'il leur a dit vous avez changé. Vous avez choisi une voie différente de celle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissent mieux le Coran et la Sunna que vous, puisqu'ils étaient vivants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que vous étiez absent. Comment voulez-vous donner des leçons aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et la même chose, une fois il est dans une autre riwaya, il leur a dit vous avez ramené ces choses nouvelles et je vous constate que parmi vous il n'y a aucun compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire cet élément devrait-vous vous mettre, comme on dit, la puce à l'oreille. C'est-à-dire vous devriez alors avoir un doute. Comment ça se fait qu'aucun compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ait suivi? Donc on remarque que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils voyaient une compréhension du kitab et de la sunna, du Coran et de la sunna, qui était différente de la compréhension des compagnons, alors que tout de suite ils pouvaient juger que cela était une erreur et que donc celui-là suivait un chemin contraire à celui du Coran et de la sunna. Et le fait que Ibn Abbas il est allé parler aux Kharijites, ce n'est pas pour montrer aux gens qu'il sait bien parler, ce n'est pas pour augmenter la divergence de l'islam, au contraire. C'est pour ça que le résultat de cette entrevue qu'il a eu avec les Kharijites, certains historiens rapportent que 10 000 Kharijites sont revenus et ont changé ce qu'ils disaient, c'est-à-dire ils sont revenus aux paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces 10 000 personnes, en fait, ils s'ajoutent au capital de l'islam. Il diminue du nombre des combattants de l'islam, parce que celui qui combat les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il combat le capital de l'islam. Et c'est bien connu que les Kharijites ont tué beaucoup de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que Ali ibn Abi Talib les ait combattus et ait diminué de leur nombre. De la même façon, Imam Shafi'i, comme rapporte le Bayhaqi, في مناقبه الشافعي رحمه الله un des grands imams de l'islam, un des grands savants connu pour sa bonne compréhension, pour la force qu'il avait à se cramponner à la sunna et à ne point en dévier, il a dit قد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل وصدق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم الله وهناهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين هم أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه الوحي ينزل عليه فعلم ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسهم والله أعلم. Parole est rapportée, comme je dis, par Al-Bayhaqi, fin Manaqib al-Shafi'i, premier volume, page 442. C'est-à-dire, Dieu a vanté les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, la Torah et l'Évangile. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris que leur valeur et leur degré dépassaient ceux de tout autre individu. Dieu ainsi leur a été clément. Il leur a attribué le plus haut degré, celui des braves, des martyrs et des personnes justes et vertueuses. Ce sont eux qui nous ont transmis la sunna en entier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont eux qui nous ont transmis la sunna en entier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont assisté à la révélation et l'a contemplé quand il lui était révélé. Et ils ont su ce que signifiaient la parole et les gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Portait-il un sens global ou restreint? Signifiait-il l'ordre ou seulement la recommandation? Et ils ont pris connaissance de paroles et actes dont nous n'avons pas pris connaissance. Et ils sont au-dessus de nous par leur science, leur compréhension et leur interprétation. Et ils sont au-dessus de nous par leur crainte de Dieu, leur esprit et leur raison. Et autres éléments qui donnent la force de perception et alimentent la connaissance et le savoir. Et leurs avis nous sont préférables et prioritaire à nos propres avis. Wallahu a'lam. On voit bien l'imam Shafi'i comment il a su que le fait de, si on veut se limiter, se mettre entre deux barrières qui nous limitent, de ne pas sortir de la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de cette façon-là qu'on peut dire qu'on est sur le droit chemin et qu'on peut espérer, Inch'Allah, faire partie de la faction rescapée. De la même façon que j'ai cité la parole de Ibn Abbas avec les Kharijites, on peut citer aussi la parole de Ibn Mas'ud avec des Kharijites, mais des Kharijites avant qu'ils n'apparaissent sous leur véritable aspect. Ça, c'est l'histoire qu'a rapporté Darimi. Ibn Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari lui a appris qu'il y avait certains musulmans, certains groupes qui se réunissaient avant la prière de l'ordre dans la mosquée et qui faisaient le dhikr, c'est-à-dire invoquer le nom de Dieu, par plusieurs formules, mais d'une façon contraire à celle dictée par le Coran et la Sunna et comprise par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il y avait un groupe, par exemple, il y avait un individu qui leur ordonnait de dire subhanallah 100 fois, un autre groupe qui leur disait de dire la ilaha illallah 100 fois, et chacun avait entre ses mains des pierres par lesquelles il comptait le nombre de fois qu'il a dit la formule. Ibn Mas'ud, quand il est arrivé, il leur a dit سبحان الله هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيكم. C'est-à-dire, vous avez ramené cette innovation alors que les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم ne sont pas encore morts, ils sont encore parmi vous. Comment vous êtes-vous permis d'innover et de ramener des choses que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam eux-mêmes ne peuvent pas se permettre de ramener? C'est-à-dire qu'il leur a donné une règle que nous devons apprendre nous-mêmes, cette règle-là par laquelle il leur apprend à savoir est-ce qu'ils sont sur le droit chemin, est-ce qu'ils ne se sont pas trompés, est-ce qu'ils ne sont pas sur l'erreur. Et une petite remarque ici, ce n'est pas toute personne qui commet une erreur et qui rentre en enfer. C'est-à-dire, ce n'est pas toute personne qui tombe dans une chose contraire au Coran et à la Sunna, à cause de cela, alors il va entrer en enfer. Non. Nous allons voir les éléments qui peuvent différencier entre ceux qui font partie des 72 sectes et qui seront en enfer, et de personnes qui se trompent par ignorance, et s'ils prennent compte de la vérité, ils reviennent sur le droit chemin. On verra ça plus tard, Inch'Allah. Et c'est pour cela que les savants recommandaient aux musulmans d'essayer de copier les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je veux dire dans les adorations. Parce qu'il faut faire, il faut différencier entre les adorations et les us et coutumes, si on veut. Les choses qui font partie de notre vie. C'est-à-dire maintenant, personne n'a le droit d'innover dans la religion. On n'a pas le droit de ramener une sixième prière. On n'a pas le droit d'ajouter une raka'a, une inclination dans une des prières. Mais dans les choses relatives qui ont rapport à notre vie quotidienne, au fait de manger, comment vivre, comment construire sa maison, ça n'avance pas dans l'interdiction d'innover. C'est pour ça que les savants ont donné une règle. La première règle, ont donné deux règles. La première règle, الأصل في العبادات التحريم إلا لورود النص. C'est-à-dire, dans les adorations, il est interdit de ramener quoi que ce soit, de ramener une adoration, sauf si on a un texte. La deuxième règle, الأصل في العبادات الإباحة إلا لورود النص. C'est-à-dire, dans les choses relatives à la vie quotidienne, au manger, à l'urbanisme, toutes ces choses-là qui sont relatives à la vie quotidienne, tout est permis, sauf si on a un texte. C'est-à-dire, toutes les boissons sont permises. Toutes les boissons sont permises, sauf celles qu'a interdit le Coran seulement. Comme l'alcool. La même chose pour les aliments. Tous les aliments sont permis. On ne va pas, par exemple, poser la question au sujet d'aliments qui n'existent pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne veux pas dire qu'il n'existait pas, plutôt qu'il n'était pas connu, comme certains fruits par exemple exotiques que ne connaissaient pas les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas à demander, sauf si on a un texte qui est interdit. C'est vrai que des fois, on peut avoir des doutes, là on revient au savant. Par exemple, certains animaux, on ne sait pas s'il est permis de manger leur chair ou pas. Alors là, on revient au savant. Par exemple, quelqu'un peut avoir le doute à propos, par exemple, du lynx, par exemple. Et le lynx, on n'a pas de hadith qui le décrit, qui dit le lynx haram ou bien le lynx est autorisé. Si on revient au savant, ils vont nous dire il n'est pas autorisé de le manger. Pourquoi? Parce qu'il fait partie du groupe, en général, d'animaux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, et ce sont les animaux, les félins, qui possèdent des crocs et qui attaquent les proies. Ça, c'était certains exemples. Nous revenons à notre sujet. En vérité, il y a un hadith que nous avons oublié de citer, très important, qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a guidés, nous a montré qu'il faut suivre, qu'il faut comprendre le Coran et la Sunna avec la compréhension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le hadith bien connu de l'Irba ibn Sa'iyya qu'a rapporté Tirmidhi et Abu Daoud et Ghayruhuma, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيْرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِبِ. C'est-à-dire, ceux qui vivront parmi vous après moi, et il ne parle pas seulement aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ses compagnons, il parle aussi à ceux qui viendront après. Alors il a dit, ceux qui viendront après vous, ils vont remarquer des divergences énormes. Alors, après avoir décrit la maladie, il a donné le remède. Il a dit, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِينَ الْمَهْدِينَ مِنْ بَعْدِي. Alors, cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna des khulafa. Ce sont les quatre khulafa, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, radiyallahu anhum, ajma'in. il a dit cramponnez-vous à leur sunna. Et pourquoi il a cité ces compagnons-là? Parce que ce sont les meilleurs compagnons, les plus savants. Et les savants ont dit, le fait qu'il ait dit عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها. Il n'a pas dit عضوا عليهما, malgré le fait qu'il ait parlé de deux sunnas, sunnatahu sallallahu alayhi wa sallam et la sunna des compagnons, il a dit cramponnez-vous à elle. Les savants ont dit pourquoi? Parce qu'en vérité la sunna des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas différente, n'est pas contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la même sunna. Et elle sort de la même source. Elle vient de la même source. Donc, le hadith est bien évident. Il montre que lorsqu'on constate des divergences, lorsqu'on voit qu'il y a plusieurs groupes, les musulmans se sont divisés et on ne sait plus quelle est la bonne voie à suivre, alors, عَدُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِفِ, c'est-à-dire mordez à plein dents si on veut à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la sunna des compagnons. Et c'est aussi pour cela que Ibn Mas'ud radiallahu anhu et Abu al-Aliya, qui est un successeur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des plus célèbres successeurs des compagnons sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit عَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا. C'est-à-dire, si vous remarquez des divergences, alors revenez à la source. Revenez à la première voie qu'ils suivaient avant qu'il y ait des divergences. Le fait de suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de les imiter dans leur compréhension, dans leur adoration, dans la façon de voir les choses, dans tout élément relatif à l'adoration, comme on a dit, en vérité, ce fait-là, on le fait, l'imitation, on ne le fait que parce qu'on veut être au paradis avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont appris qu'ils sont au paradis, dans plusieurs versets, et dans plusieurs hadiths. Et Ibn Hazm a dit qu'il y avait un ijma' des ulama, c'est-à-dire à l'unanimité sans aucun avis contradictoire, que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont au paradis. Et c'est pour ça que nous, en voulant les imiter, en fait, on veut premièrement, en appelant les gens à les suivre, nous voulons appeler les gens à rentrer au paradis. Et nous voulons nous-mêmes entrer au paradis, parce que personne ne garantit à lui-même qu'il va rentrer au paradis. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit من تشبه بقوم فهو منهم من تشبه بقوم فهو منهم, hadith authentique rapporté par Abu Daoud, c'est-à-dire celui qui imite, qui essaie de ressembler à une communauté, alors il fait partie de cette communauté. Et le poète a dit فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. Imitez-vous à eux si vous n'êtes pas pareil à eux. Ainsi l'imitation, la ressemblance aux braves, aux personnes virtueuses, c'est vraiment là la réussite. C'est-à-dire que personne de nous ne peut prétendre qu'il va arriver exactement à la valeur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'état où ils étaient, mais on essaie de ressembler, on essaie d'approcher cette réalité. Et وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ, c'est-à-dire, cela n'est pas impossible à Dieu. Après avoir parlé de Kitab al-Sunna et des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'élément important aux musulmans de bien connaître, c'est qu'il doit revenir dans toute chose de la religion, il doit revenir au savant. Et ça, aussi, c'est une prescription que Dieu nous a donnée dans le Coran. قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, c'est-à-dire questionnez les savants si vous ne savez pas. Et si on peut par exemple une question, on a un doute, ou bien on veut être sûr. Même si on connaît cette question, il faut revenir au savant. Pourquoi? Parce que le fait de revenir au savant, en fait, c'est là la garantie finale de ne pas se tromper, de ne pas dévier du droit chemin. On donne un exemple. Si par exemple une personne dit, non, moi, il m'a été ordonné de suivre le kitab au sunnah, c'est tout. Et il ignore les versets qui ont ordonné de revenir au savant. Il dit, je peux moi seulement en regardant les livres, en lisant les livres de la sunnah, al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidhi, Abu Daoud, al-Nasa'i et les autres recueils de hadith, je peux en les étudiant tout seul, trouver la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam.